sais, c'est toi qui pourrais être ici au milieu de tous ces cinglés. Tout va aller comme sur des roulettes. Je suis toute excitée.